Amos chapitre 4. Écoutez cette parole-ci, vache de Bazan, qui vous tenez dans la montagne de Samarie, qui faites tort aux chétifs, et qui opprimez les pauvres, qui dit à leur Seigneur, apportez, et que nous buvions. Le Seigneur, l'Éternel, a juré par sa sainteté, que voici, les jours viennent sur vous qu'il vous enlèvera avec des piquants, et ce qui restera de vous, avec des hameçons de pêche. Et vous sortirez dehors par les brèches, chacune devant soi, et vous jetterez là ce que vous avez amassé dans les palais, dit l'Éternel. Entrez dans Bethel, et commettez vos crimes, multipliez vos péchés dans Gilgal, et amenez vos sacrifices dès le matin, et vos dîmes au bout de 3 ans accomplis. Et faites un parfum de pain levé pour l'oblation d'action de grâce, publiez les oblations volontaires, et faites-les savoir, car vous l'aimez ainsi, enfants d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est pourquoi aussi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, et la disette de pain en toutes vos demeures, mais pour cela vous ne vous êtes point retourné jusqu'à moi, dit l'Éternel. Je vous ai aussi retenu la pluie, quand il restait encore 3 mois jusqu'à la moisson, et j'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai point fait pleuvoir sur l'autre, une pièce de terre a été arrosée de pluie, et l'autre pièce sur laquelle il n'a point plu, est desséchée. Et 2, même 3 villes, sont allées vers une ville pour boire de l'eau, et n'ont point été désaltérées, mais pour cela vous ne vous êtes point retourné jusqu'à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé de brûlures et de niel, et le hanneton a brouté autant de jardins et de vignes, de figuiers et d'oliviers que vous aviez, mais pour cela vous ne vous êtes point retourné jusqu'à moi, dit l'Éternel. Je vous ai envoyé la mortalité, de la manière que je l'avais envoyé en Égypte, et j'ai fait mourir par l'épée vos gens d'élite, et vos chevaux qui avaient été pris, et j'ai fait monter la puanteur de vos camps même en vos narines, mais pour cela vous ne vous êtes point retourné jusqu'à moi, dit l'Éternel. J'en ai renversé d'entre vous en la manière que Dieu renversa Sodome et Gomorre, et vous avez été comme un tison arraché du feu, mais pour cela vous ne vous êtes point retourné jusqu'à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai ainsi, ô Israël, et parce que je te ferai ceci, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes, et qui a créé le vent, et qui déclare à l'homme quelle est sa pensée, qui fait l'aube et l'obscurité, et qui marche sur les lieux hauts de la terre, l'Éternel, le Dieu des armées, est son nom.